4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Non, mais depuis quand ma Gaétane, Mireille, puis Claudine, on commence pas en force à cette émission-là? Nomme-moi la semaine, nomme-moi le mois, nomme-moi l'année, nomme-moi, c'est toujours avec l'élasticité de l'intelligence, ben, en fait, est-ce qu'on peut nommer ça ici? Ben, tu peux nommer comme tu veux n'importe quelle stratégie que tu veux amener. Oui, mais il n'y en a pas de stratégie, il n'y en a jamais eu. Lorsqu'on dit improvisation, c'est quoi dans ta tête? Oh, c'est noir. C'est noir? C'est tout noir. C'est tout noir? C'est tout noir. Il n'y a pas d'ouverture. Ah, mon... Il y a un tunnel. Ah, il n'y a pas de lumière. Ah! Et là, on ne sait pas à qui se rattacher. Rattache-toi pas à moi. Ah, non, non, je ne veux pas m'attacher non plus. Ah, rattache-toi pas à moi. Je ne veux absolument rien faire. Ben non, ben fais comme d'habitude. Eh, ça commence, hein? Je vous l'ai dit, voilà, là. Hey, on se fait pas marcher dessus pour rien, là, hein? Quand je parle de marcher dessus, c'est en haut, là, hein? Si on peut leur piocher dessous, en dessous. Ben là, si tu pioches en dessus, ben, très tard le soir, je peux marcher sur les pieds. Sinon, je marche sur les mains, moi. Hey, mais c'est bien d'évoquer les choses avant que ça arrive, hein? Ben, ça, on appelle ça une voyante. Ouais, mais un homme. Un voyeur. Ben, non, moi, c'est. Je me suis déjà fait arrêter il y a quelques semaines. Ah, oh, non, pas encore. Oui, toujours. Oui, oui. En fait, moi, j'ai un genre de journal de bord. Puis, dans mon journal de bord, je tiens. Pas le bar, mais le bord, comme un journal intime. Oh, mais c'est plutôt. Mes prouesses policières. Oh! Et je me stimule, moi, là, excusez-moi. J'étais comme stimé. Ouais, ouais, lâche la saucisse. Ouais, c'est vrai. Alors, merci. Je me mets des défis, moi, là. Qu'est-ce que je vais faire de plus fort pour me faire arrêter par la police? Hey. Comme là, la dernière fois, là, c'était celle-là. Quoi? Ben, c'était de marcher sur les pieds. Ah, oh, les policiers ont pas aimé ça, là. Parce qu'ils étaient habitués de me voir marcher sur le chemin, sur les mains. Sur le chemin, sur les mains. Ben oui, comme Doudou et la Boudou, Rio de Soleil d'Or. Je marchais sur le soleil d'or, sur le rayon lumineux de la connaissance. Moi, qui sais pas grand-chose, il y avait comme un filet, un petit filet. Ah. Oh. Ça, c'est comme la baguette, hein. Quand tu veux pas manger une baguette, tu demandes une ficelle. C'est plus petit. Pour ma connaissance, hein, comme je n'ai pas un gros cordon, ni un gros cordage, je me contente d'avoir la pelote. Non, la pelote, très peu. Non. C'est le fil. Il n'est pas aussi conducteur que ça, là. Alors, je me suis dit, alors ma stratégie, c'est de me faire arrêter par la police. Et comme je marchais sur les mains, ils ne m'ont pas arrêté. J'ai dit, allons-y sur les pieds. La police m'arrive. Elle m'arrive derrière, par derrière. Surtout, là, c'est rendu beaucoup de policières, là. Puis, ils mettent pas un policier, une policière. Ils mettent deux policières. Mais tu dis, des policiers, ça court plus vite que des policiers. Les policiers, ça a des égos. C'est lourd, des égos. Ça court, abeding. Les policiers, c'est fitting. Hein, ça fait du jogging, là, les policières. Les policiers, ça fait quoi? Ça lève des bocs de bière. Ouais, à la pute de chez nous. Le chez nous, c'est qui chez nous, ça? Ben, c'est chez nous. Oh, OK, à la pute de chez nous. La petite policière est pitting, puis elle court. Elle est pitting, elle fait du jogging. Ah, c'est... Fait que moi, je me faisais suivre par deux policières. Mon fantasme. Là, je m'amusais pas à me faire... j'allais dire poursuivre. Je me faisais poursuivre, mais à me faire rattraper. Elles étaient beaucoup plus vite que moi. Même si je suis mince comme l'élastique. Moi, je connais des gros élastiques. Et hey, toi, ma grosse face de... Non, mon beau visage d'amour. Ouais, mais c'est parce que je peux aussi avoir de la rapidité. Comme Roadrunner. Mais là, j'étais un peu coyote, là. Puis un peu caillé. Il était tard. Puis j'avais quand même eu une belle soirée bien dirigée vers... hein? Ouais, c'est ça, là. Ouais, c'est, j'avais comme mon tic nerveux, je débouchais encore, là. Moi, je sais, je vais mourir d'un cancer du poignet, là. Hein? Vieux garçon puis débouché, là. Ah, deux affaires qui vont pas. Là, les policières en arrière, ils courent encore, là. Fitting, fitting, fitting. Moi, je... c'est, je suis pas fumeur, moi, là. Imagine-toi si je... Hey, imaginez-vous pas ça, là, parce que j'aimerais commencer à fumer. J'ai toujours trouvé ça agréable, moi, l'autodestruction. Ah! Mais là, ça me donne mal à la tête, ça me donne mal au portefeuille, puis... mais j'aimerais... Si on pouvait me dire, là... Réal. Oui? Réal. Si je continue à fumer 40 cigarettes par jour pendant un an et demi, tu vas prendre tu vas avoir le cancer du poumon. C'est... Là, je diviserais un paquet de cigarettes, c'est 9,50$ parce que je ne fumerais pas n'importe quoi. Moi, là, ce serait des... Ou des... c'est quoi ça? Il y a des blancs? Non, c'est des marques, mais on n'a pas le droit de se marquer des marques. Oh mon Dieu, c'est comme un sprint, hein? Un sprint, mais sans marque. Alors, tu cours un peu n'importe où. Là, les petites policiers en arrière, toujours fring, hein? Là, les voyez-vous? Fring. Ah, c'est beau. Encore un petit coup. Fring. Oh. Excuse-moi. J'étais en deuxième vitesse. Moi, là, là-dessus. Hey, c'est comme s'il y avait un espace là qui s'ouvrait à moi, puis que les gens étaient là pour s'épater. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un blanc. C'est constant. Oui, c'est le blanc constant ici. Et nous avons ici Tiblan Richard et Tiblan Lebrun. Trouver une intrus, c'est Lebrun. Parce que Tiblan Richard a toujours resté Richard, mais plus blanc que Lebrun. Et Lebrun beaucoup plus foncé que Richard. Hein? C'est... Alors, fring en arrière, là, oubliez pas ça. Fring. Alors, donc, ben c'est ça. Alors, je me fais arrêter comme ça par la policière, les policières. Ben oui, ça, c'est moi qui portais la brassière. Et les deux polices, aujourd'hui, là, pas hier, mais c'était celle-là, là. Elles me disent en stéréo... Vous êtes en état d'arrestation. Oh, merci. Là, c'est mon sixième. C'est comme un passeport. Là. Pouvez-vous l'étamper? J'ai plus de place. Là, disons, on vous reconnaît, M. Gagné. Là. Vous faites une émission de radio puis vous voulez vous montrer plus intelligent que la moyenne. Non, je suis le saut. Le saut vide. le saut dit personnage qui vous cause du trouble et qui fait payer le citoyen, malheureusement, par mon manque d'intelligence. C'est le citoyen qui paye pour moi. Tous les crottés, là, tous les gens qui sont pas honnêtes, tous les... Si on met en action la police, là, hein, ça devrait être les crottés qui payent pour les crottés. Pas le pauvre monde, là, les gens qui marchent sur la ligne droite et qui ne font aucune infraction, quoique cracher dans la rue, c'est une infraction, Mme Thibodeau. Bon, hein? Je sais, vous attendez que votre mari vous regarde pas, puis hein, on vous a vu. Ah, c'est 250$ d'amende. Uriner, 250$ d'amende. Uriner sur un policier, c'est 255$ d'amende. Parce qu'il faut quand même, le 5$, c'est pour nettoyer ses souliers. Hein? Puis il vous le fait faire à la main. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a 2 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui, Mme Thibodeau, j'aimerais vous amener comme propos que dans quelques mois, nous fêterons les 70 ans du Petit Prince de Saint-Exupéry. Dessine-moi une... Hein? Puis rose-moi donc la... Hein? Puis, tu sais, le petit anant, là. Dessine-moi un mouton. Ah, c'est... connaissez ça, cette histoire-là, puis il y a 70 ans, là, c'est pas... Non, c'est pas ça. Ben non, ben voyons donc! Je vais vous raconter, je vais vous relater, là, l'information qui m'a été donnée par Non, c'est pas une surprise, là, mais c'est l'attaché de presse du Petit Prince qui disait, hein, « Détache-moi le bouton. » Non, c'est pas ça. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, oui, je vous le dis, c'est ça. Il est devenu adolescent, le Petit Prince, là. Hein? Puis c'est « Pète-moi mon bouton! » Puis là, « Pète-moi le bouton! » Puis « Regarde-moi ton visage! » J'ai déjà un amas de pus. Puis là, ben lorsqu'on... Non, c'est pas ça. Hey! Si vous êtes un petit Joe... comment j'avais écrit ça, là? un petit Joe de minable, non? un petit Montparnasse de minable, là. C'est pas ça du tout qui était écrit, mais c'est pas grave. Si vous êtes ça, mon cher monsieur, là, ben racontez-moi donc l'histoire. Non, c'est pas ça. Alors, en 70 ans bientôt, le livre fut publié en 1943, et il y a plusieurs légendes qui gravitent autour de cette histoire, dont celle que je préfère, celle que j'aime, celle que je brandis comme le drapeau du Québec. C'est celle-ci. Saviez-vous que... Rapprochez-vous de votre micro. Hein? Non, excusez, de votre radio, moi de mon micro. Hein? On se rapproche tout le monde ensemble. Monte le son. Ça sera pas fort. Je mettrai pas... Non, je crierai pas. Je peux crier, mais je le ferai pas. Hein? Voulez-vous que je le fasse? Ah, ben c'est pas ça. C'est pas vrai. Je le ferai pas. Ah. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je l'ai mentionné au début de mon émission, il y a quelques... Au tout début, lorsque j'ai commencé, puis je disais... C'est moi, ça, c'était il y a 7-8 ans. Ça, c'est pendant ma greffe cervicale, où on faisait pénétrer à l'intérieur de mon cortex de la matière grise. Ça fait mal, hein? C'est comme la saucisse. Ça pousse. J'en ai trop. Je suis trop pété. Effectivement, ça fait des bonnes émissions, mais ça sortait de l'autre côté. Il y aura du boudin. Alors, le Petit Prince de Saint-Exupéry, tout ça a commencé à Sainte-Foy, à Québec, la ville de Québec. Et c'est la famille de Coninck, qui était un grand ami de Saint-Exupéry. Dans l'intimité, il disait « Saint-Exupéry! Priez pour moi. » Il était même pas mort encore. Il savait qu'il allait voler puis jamais plus atterrir. Où est son avion, hein? Il y a des langues bizarres qui osent nous dire qu'elle est dans l'eau de la rivière Saint-Charles. Non, c'est pas ça. Ben voyons d'or. L'eau ici à Québec, c'est le petit ruisseau, là. Le sentier près du ruisseau. Ah, la Côte-Nord. Bon. Mais il n'en est rien. Mais le petit garçon, le petit prince de Saint-Exupéry, celui qui dit, dans sa période adolescente, « S'il vous plaît, dégraisse-moi un bouton. » Ben, non, c'est pas ça. Hey. Pouvez-vous enlever M. Négatif, s'il vous plaît? Là? Ce gars-là va faire échouer notre merveilleuse émission. Nous étions dans les 100 meilleurs là, depuis 8 ans. Là. Cet hurlu-berlu, le père Lustugru, nous allons lui répondre. Avec la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Mais c'est pas le chat, c'est Saint-Exupéry. Alors, ça s'est passé à Sainte-Foy et le petit prince a été calqué sur le petit garçon de M. de Coninck, un des petits garçons de M. de Coninck. On dira pas son nom, son prénom. On l'a balancé son nom. Oh, ça me tente. Là. C'est ça. Là. OK. Sinon, on a sa diffamation puis la police. Ah, oh, encore la police. Fring, fring, fring, fring. Encore en arrière. Soit en arrière. Et puis, 70 ans, donc, on va célébrer ce merveilleux événement en vous disant comme ça qu'il y a plusieurs... Nous avons lu ou relu plusieurs fois dans notre existence. Hein? Je ne sais pas quel âge vous avez, vous, comment? À quel âge? 83, bravo, madame. 83. Ah oui, merci. 83, OK. Alors, les traductions ont été faites en coréen, en vietnamien, en anglais, en tchécoslovaque. Vérifie-le, lui. Il me semble qu'il n'a pas l'air honnête. Il ne passera pas aux douanes. Non, si vous voulez, ouais, mais ça serait dans les caleçons. Non, en arrière, oui. Je trouve qu'il y a un fessier trop prédominant pour sa... Ouais. C'est normal. C'était ça. Je m'excuse infini. Porter des couches à 22... Bon, non, je dis pas. Moi aussi, je devrais porter ça. Je vais uriner aux 30 secondes. Quand je fais une émission de 2 heures, ça serait très, très bien d'avoir 3 couches, moi, là. Parce que c'est quoi, c'est 15 livres la couche? Alors, moi, c'est 45 facile, là. Ah, c'est 45 onces. Ah, c'est... Regarde, tu bois un 24 onces d'eau? D'eau, de jus, de quoi? Ah, bon, du Perrier, bon, de l'eau générale. Bon, c'est très général, cette eau-là, là. L'eau de la source ou n'importe laquelle. On n'a pas de publicité à faire ici. Alors, les traductions du Petit Prince ont été faites dans plusieurs langues. Mais là, il y a des tournants qu'on n'a pas évoqués. Avons-nous traduit Le Petit Prince en ketchup. Hein? Qu'est-ce que ça donnerait en ketchup? Ça, c'est la traduction du phrase Saint-Exupéry. Ça serait court, hein? En moutarde, ça serait... Pas la même chose, là. Le ketchup, c'est... La moutarde... En oignon. Hein? En oignon. Quand t'es plus l'oignon. Hein? La traduction du Petit Prince en oignon. En tulipe. Je suis allergique aux tulipes, moi. Au poignée de porte. Ah, au poignée de porte. Pouvez-vous me faire une poignée de porte, madame? Non, mais arrêtez pas la caméra. Merci. Arrêtez pas le bruit de poignée de porte. Ah, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors, écoutez bien. Écoutez le récit de ma vie. Qui vous dire de qui je suis? À comment serait de vous passer la douleur et la nuit de mon passé? Quand j'étais un tout petit enfant, j'étais comme vous, mes chers amis, mes deux bras. Non, c'est la poignée de porte. Oh, OK, excusez-moi, je pense que c'était une pause musicale. Non. Dans la vraie pause musicale, on veut des musiciens, pas d'orchestre symphonique en grève. OK, allez, poignée de porte. On n'entend rien? Ah oui, c'est une poignée de porte. OK, oui. Ah, hein, ça, c'est plus bizarre, là, parce qu'on n'a pas vraiment la peine. En barbotine. Une barbotine avec la paille. Là. En baguette. Un pain là, en baguette. On sent le croustillant de la baguette, là, Gaétane. Croustillant. En bière. En champagne. En cigarette. Oh, traduction du Petit Prince en cigarette. En soupe aux choux. Hey, monsieur, attendez. En soupe aux choux. Voilà. En microphone. 1-2-1-2. Et en télévision. En télévision, c'est quoi? C'est de l'oubli. Ah oui, Godard disait la télévision, c'est de l'oubli. Alors voici la télévision. On n'entend plus rien, mais c'est ça l'oubli. Notre esprit hein, n'est plus présent. Il s'endort tranquillement. Soit qu'on regarde l'actrice, il y a un petit coulis de balle, ou on regarde l'intervieweur, là, de hey, t'as-tu vu ces grosses lunettes sales? Ça, c'est l'intelligence qui parle. Et tu t'arrêtes même pas à la question parce que c'est tellement long, hein? C'est tellement insécure puisque tu comprends pas déjà la première phrase. Dites-moi, monsieur le président. Lorsque vous étiez au candidat au ministériel, là, tu te dis, voyons, ministériel, c'est quoi un président ministériel? Je crois qu'il y a des mots qui s'oublient et il y a des coïts. Non, c'est pas des coïts, c'est des coefficients qui se freinent. Et croyez-moi, pour le freinage, je connais ça. C'est vrai? Ben oui. Toute notre société. Non, c'est pas ça. Ben, je vous le dis, moi. Tout se cache dans les blablabla. Plus tu sais faire des discours sans essence, sans trop de vivacité, sans trop d'intérêt, ben, le public risque de t'écouter. Et s'il y a véhémence, oh, ben là, tu les auras accrochés. C'était vraiment très, très, très, très bon. Non, c'est pas ça. Mais comment ça, c'est pas ça? Oui, c'est excellent, monsieur le président. Monsieur, il n'est pas trop catholique et cathodique. Arrêtez de regarder votre écran, là, madame. Ah, je regarde pas, j'observe. OK, excusez-moi. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldi. Femme seule, donne-moi ta main, bras s'enroule au creux de tes reins, le vent m'emporte vers d'autres chemins, prends mon effort, l'amour vient, les bras m'exultent, je perds la raison, les vents m'emportent, mille raisons, les vents m'emportent, Jean-Pierre, ça va pas être bon ça, là, c'est pas radiodiffusable, hein, je te le dis, voilà. Tout son est radiodiffusable, on va rentrer ça dans le grand monde, et ça, c'est pas le petit monde, là, hein, le grand monde de... Le mot, je l'ai perdu, je l'avais le mot, je l'ai perdu. Ah non, cherche-le par ta gueule, arrête. Réjeanne, oui, ah oh oui, non, c'est de l'expérimentation. Quoique, c'était pas vraiment celui-là que je voulais dire. Expérience, expérimentation, Jim Hendrix. Non, non, non, non, non, non, non, non. Hey, attendez, Purple Haze au gazou. T'es-tu certain que c'est pas c'est pas pire, hein? On va arrêter ça là. 2 minutes de popper dans sa pas fait. Non, on dirait que dans ma tête, ça a duré 2 semaines. Ah, c'est la vapeur de. Écoute pour moi. Écoute dans le noir. C'est toi, ma belle. Laisse-moi me regarder. C'est toi dans le miroir, Gigi. Mais qu'est-ce que tu croyais? C'est pas moi, c'est Gigi l'America. Et pour te dire que l'America, elle existe, ce ne serait pas fou de te dire la véritable histoire. Car l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Par les sirènes de train, par les sirènes de bateaux qui vont chanter 100 fois la chanson de l'aile ou la cuisse. Pas de soupe au chou, madame. J'aimerais ça avoir aussi un corps de poitrine, un petit quelque chose, oui, un verre d'eau pour commencer. Ça m'ouvre l'appétit. Puis si je suis pas capable de me l'ouvrir avec un verre d'eau, là, j'ai amené des pinces. On va s'ouvrir cet appétit-là. Veux-tu, madame, me rentrer? Aïe, aïe, aïe. Ah, ah. Ah, je me suis ouvert l'appétit, moi. Ah, je suis prêt. On va commencer par un petit moignon. Sauter à l'ail frais. Oui. Et puis, oh, des langues de canaries, c'est tout petit, hein. On va commencer tout petit, puis on va venir par les grosses boulettes, on parle encore de bouffe, oui. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. Excusez-le, madame. Il a perdu la raison, le bâtonneau, et pour le chemin. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à errance rénaldienne. Mes écouteurs partent, monde entier fond, mes lunettes fument, quoi qu'elles sont fumées. Lunettes fumées, teintées, sombres, noires, obscures. Au soleil, là, c'est lunettes de soleil. Le soleil est parti aujourd'hui, l'as-tu vu partir? À quoi bon faire cette émission, surtout à cette heure-là? Là? Il est quelle heure pour le soleil? Moi, je dis que le soleil est parti faire un tour aux montagnes et les montagnes sont parties faire des grimaces aux nuages. Et si tu fais pas trop de grimaces aux nuages, sinon la pluie tombera sur ta langue. Et comme c'était de l'eau, c'est pas de l'eau tout à l'heure, là. C'est pas de l'eau de source, ça, là. C'est de l'eau. Attention, êtes-vous prêts? Attachez-vous, madame, vous allez. Oh, oui, attachez-vous. Mais, si vous voulez lui mettre la. Oui. OK. C'est de l'eau polluée. Puis on dit c'est de l'eau aussi. Quelle connerie, on peut dire? Polluée, puis. Acide! La pluie acide! Le citron, c'est pas acide, mais la pluie est acide. Assieds-toi. Jean-Luc, assieds, s'il vous plaît. À quoi bon faire cette émission? Merci. Je recommencerai plus. Je te le promets. Mince alors. À quoi bon faire cette émission? Quoique, je suis pas mal épais pour un mince, moi, là. Épais de même, là. C'est une émission de canard, oui, monsieur. À quoi bon faire cette émission de canard? Parce qu'il pleut comme un canard. On se frotte dans les bars. Et on se secoue le bas des trains. Du train. Le train. On prend toujours son train. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Non, c'est pour sembler un peu plus apprivoisé vers... ouais, c'est pas drôle. OK, je m'excuse, madame. OK. Alors, donc, à quoi bon faire... Oui, ben, c'est ça que je voulais vous lire, là, madame, mais vous m'arrêtez. Vous fermez la lumière, puis mon esprit suit. Mais puis mon regard aussi. Moi, regard et tout va ensemble, moi, là. Dans le noir, je peux même plus lire. Quoique, j'avais demandé à mon professionnel de la vue de placer des lumières. Il dit, ben là, ce serait bien compliqué, mon petit champion, de te placer des lumières pour deux raisons. C'est parce que... Ça peut pas fonctionner autrement qu'à pile. Ici, t'as plus de pile. Ça signalera un son, ça émettra un son que tu n'aimeras pas. On appelle ça l'alarme. C'est tellement fort qu'il te viendra l'alarme à l'œil aussi. Oh, merci! Hey, c'est bon, l'alarme à l'œil. Et là, ben, j'ai mis aussi des essuie-glaces sur tes lunettes. Alors, s'il y a des larmes qui touchent la glace, les essuie-glaces vont partir immédiatement. Imagine l'angoisse pour toi, mon petit amoureux. Amoureux de la vie, oh, c'est moi ça. Et amoureux de la radio, c'est quoi, réel? Ah, oh, si, c'est quoi, réel? Ah, arrête de l'embrasser, elle n'aime pas ça. C'est pas une fille facile, celle-là, là. Elle connaît ça, des beaux bars comme toi, là. Alors, la lunette, on va revenir à la lunette. Si je te mets des lunettes, on va te mettre des lunettes, on n'a pas trop le choix. On a le choix, mais assez limité, comme ton cerveau. Mais si on te place des lunettes avec la lumière, si les lumières flanchent, la lampe va partir, tes lampes vont suivre, les essuie-glaces, qu'on voit tout le cauchemar. Mais par contre, toi, là, je te proposerais des lunettes pas de verre, c'est-à-dire pas de lentilles. Imagine. Parce que tout est dans ta tête, tu vois très bien, mais tu veux des lunettes pour le style. Et comme disait Léo Ferré, ton style, c'est ton. Ton style, c'est ta voix quand tu t'y mets. C'est quoi ça? C'est de la censure? Parce que normalement, qu'est-ce qu'il dit, mon ami Léo? On peut pas, Léo. Faudrait faire jouer la chanson. Pendant l'émission, on la fera jouer. Toi, tu peux pas, animateur, dire ton style, c'est ton. Ton style, c'est ta. Quand tu t'y mets, tu peux pas dire ça. Mais Léo Ferré a le droit. Alors, les lunettes, là, les lunettes avec la lumière, comme toi, t'en es pas une, on va oublier ça. OK, parfait. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? On n'a même pas commencé l'émission, ça fait 43 minutes qu'on est en onde. Tu comprends-tu quelque chose dans cette ritournelle? Il la rentre, mon petit, il la rend pas loin? Non. Ben, on continue. Aujourd'hui, le vendredi 13 juillet. Oh! Hey, on va commencer déjà à souhaiter à nos amis là, qui sont nés le 13 juillet, bonne fête! Là. Il y en a dans la salle, il n'y a pas de salle. Il y en a dans la radio, il n'y a pas de radio. Ben, il y en a qui nous écoutent, il n'y a personne qui t'écoute. OK. Jules et Sébastien, Jules et Jim nous écoutent. Jeanne Morneau, Mornif sur le bord de la Mornif. Ah, mon Dieu! Jeanne Moreau, la chanson, là, Jeanne Moreau, là. J'ai la mémoire qui flanche, je ne sais plus pourquoi. Aujourd'hui, le vendredi 13 juillet 2012, les errances rénaldiennes. Je t'ai arrêté, tu m'as arrêté, on s'est caressé, on s'est apporté, on a mal nommé, on a. Hey, j'ai mangé le micro. Si tu veux pas manger une claque sur la. Okay. Et je sais reposer, c'est la autant que je t'étouffie dans les rayons de la vie. Elle est haute un peu. Jeanne est tout le temps haute, elle est au zénith de sa carrière. Alors, les errants se présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Nous allons rencontrer, c'est Sophie. C'est aussi et surtout un incontestable talent d'agabiacité. Comment ça que ma langue est sortie toute seule? On l'a mal cousu, OK. Mais Sophie. C'est aussi et surtout un incontestable talent de chanteuse et l'auteur-compositeur-teur. Hey, on n'a rien compris. Je vais lire au complet. Sophie, c'est tout d'abord une voix, et quelle voix? De celle sur laquelle un diamant s'est posé pour l'érailler avec classe. Mais Sophie, c'est aussi et surtout un incontestable talent de chanteuse et d'auteur-compositeur. Daniel Lavoie, Elliot Murphy, Slim Batteux et Al Sanders ont consigné... Non, parce que je pense au colonel aussi. Ça n'a rien à voir. Excusez-moi, Sophie, je suis qu'un... Oui. Tu peux me frapper. Non, me fesser. Je vais te fesser sur la... Oui, merci. Daniel Lavoie, auteur-compositeur... Daniel Lavoie, Elliot Murphy, on l'a dit, Al Butters, on consigné quelques-uns des titres de ce superbe opus, preuve que non seulement Sophie est captive par sa voix, mais aussi... grâce à la chaleur et la couleur de ses compositions. En juillet 2011, non 2010, l'année dernière, CKRL et Errance Rénaldienne se trouvaient à Paris, au beau milieu du boulevard sur la rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement. Non, là, c'est la 11e, là. La groseille sur la 11e arrondissement. Oui, on était. Ben moi, j'étais là. Il y avait l'ambulance qui avait coupé le chemin. Il y avait les pompiers, la police, puis il y avait fring, les petites policières. Le fring, elle toujours en arrière, là. Hein? Ça longe pas. Ça court tout le temps. C'est en forme, ça, ces petites policières-là. Ah, fring. Hey. 15 livres de ceinture, là. Hein? Le ceinturon d'une policière, d'un policier, 15 livres, 30 livres, 40, 50, 250 livres. Quoique les filles pèsent à peu près 110 livres, là. Ils calent à chaque fois. Ah, fring. À un moment donné, tu vois juste des cheveux. Le petit toupette. Quelle fin atroce. Alors, un voyage chargé pour cette nuit estivale. Let love, 'cause it's gone and piece of something. T'as voulu... Ouais, mais c'est... Ouais. Toi, c'est assez particulier parce que t'as voulu te consacrer uniquement à la langue anglaise. C'est-à-dire, tu trouvais que le folk était anglo, donc on va pas... Ouais, on va pas le prostituer. Le français, hein. C'est ça, on va pas le prostituer parce que c'est pas francophone. Le blues est typiquement à part pas, des très grands chanteurs français. Personne ne le fait très bien, pas le personne. Ouais, ouais, ouais. Écoute, il y a des méga vedettes, mais là... Ça, c'est un autre univers. Toi, t'as mais je trouve que c'est difficile. Que malgré tout, j'ai essayé, hein, j'écrivais des textes en français avant. C'était, j'ai fait un premier album qui était bâtardé comme ça. Il y avait des textes en français. Mais j'en ai pas ici, là. J'ai pas la. Non, non, parce que tu renies. Je veux plus le. Tu l'as jeté. C'est pas que je l'ai jeté, mais ça s'est très mal passé avec la production qui avait fait ce premier album. Et c'est pas qu'on est en guerre, mais presque. Et puis surtout, la réalisation de l'album, c'est devenu un album de variété. Très mauvais, okay. Avec des arrangements de merde. Okay. Là, soyons honnêtes. Alors donc, tu reprends jamais ça sur scène, là. C'est donc, je reprends certains titres que j'ai réarrangés et dont les textes étaient en anglais. Parce que sur cet album, il y avait quand même des belles collaborations. Avec il y avait qui un monsieur qui s'appelle Sal Bernardi qui a écrit un texte qui est le guitariste de Ricky Lee Jones, qui vit en France et que j'ai rencontré dans un bar aussi et qui a jamé avec moi sur plein de concerts comme ça qui suivaient. Et jusqu'au jour où j'ai su que c'était le guitariste de Ricky Lee Jones et j'avais les albums à la maison et les photos de lui. Mais merde, tu parlais avec quelqu'un sans savoir qui c'était. Voilà. Et un jour, il me dit, viens à la maison, on va bosser ça et ça. J'arrive chez lui, je vois des photos de Ricky Lee Jones et de lui sur scène. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est Sal Bernardi, c'est le Salvatore et Bernardi qu'il y a sur les albums de Ricky Lee Jones. Mais alors donc, et qui tu l'avais pour pas. Elle, oui, oui, mais tu vivais pas de stress donc parce que tu le connaissais pas ben en non, tant qu'artiste. J'en avais rien à c'était foutre. Un pote. Ben c'est ça, t'en avais rien à glander. Ben après, non, parce qu'on avait déjà fait plein de trucs. Mais c'est quand tu as vu ces photos que là, tu as commencé à avoir un peu d'adrénaline. Et ben là, je me suis dit, ben merde alors. Et je savais quelqu'un de phénoménal, c'est ça? Exactement. Je me suis dit, c'est vrai qu'il joue super bien de la grappe, qu'il joue très bien de l'harmonica, mais il est ricain, effectivement. Ouais, c'est ouais. Un ricain, un vrai pur jus qui parle pas un mot de français au bout de 15 ans de s'être installé. Mais c'est vraiment une... Oui, mais c'est un langage creux, hein, tu sens que... Mais voilà, et c'était marrant, quoi, de se retrouver comme ça. Et donc voilà, donc il a participé sur cet album, ce premier c'est album. C'est ton premier album, c'est quand même... Voilà. Sur ce premier album, il y a quand même Sal Bernardi. Donc ça, j'étais très fière. Et puis une autre dame que j'aime beaucoup, que j'ai vue sur scène aussi, qui est américaine, qui s'appelle Beverly Jo Scott. Oui. Voilà. Et pareil... Et qui est très underground, hein, qui a une carrière exactement. Pas connue. Et j'ai fait ses premières parties. Et quand j'ai préparé ce premier album, je lui ai demandé, je lui ai dit, BJ, j'ai fait toutes ses premières parties, je suis en train de travailler sur l'album, écris-moi un texte par pitié, je t'envoie la musique, j'ai une musique sans texte. Il n'y a que du ricain qui peut aller là-dessus. J'arrive pas à écrire un truc en français. Ça sonne pas, ça swing pas, hein. C'est très folle, tu vas voir là, c'est une balade très folle. Je lui ai envoyé le truc et le lendemain sur le lendemain j'avais un texte. Et ça collait, mais c'était j'avais l'impression que la musique était là depuis le début. C'était elle qui était là depuis le début. J'avais juste récupéré une chanson déjà écrite et que je l'avais plus qu'à la chanter. Quoi. Et ça, c'est sur le premier album. Ça, c'est le premier album. Alors, mais ça, c'est quand même de la magie, là. Voilà, tu me dis que c'est de la merde, mais c'est pas tout à fait. Ben, tu m'as pas dit comme ça, mais. Non, mais c'est les arrangements qui sont pas okay. Réussis. tous ces cris de la rue, ces mecs, ces magasins où je te vois dans les rayons comme une offense, aux bijoux de trois sous, aux lingeries de rien, ces ombres dans les yeux des femmes quand tu passes, tous ces bruits, tous ces chants et ces parfums passants quand tu t'y mets dedans, quand je t'y exile pour t'aimer de plus loin comme ça en passant, tous ces trucs un peu dingues, tout cela c'est ton style. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Ton style, c'est ma loi, quand tu t'y plies, salope. C'est mon sang à ta plaie, c'est ton feu à mes clopes. C'est l'amour à genoux et qui n'en finit plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul. C'est ton cul. Tous ces ports de la nuit, ce monde qu'on voudrait bien, et puis qu'on ne veut plus, dès que tu me fais signe au coin d'une réplique, enfoncé dans ton bien par le sang de ma grappe et le vin de ta vigne, tout cela se mêlant en mémoire de nous. Dans ce monde perdu de l'an 80 000, quand nous n'y serons plus et quand nous renaîtrons, tous ces trucs un peu fous, tout cela c'est ton style. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Ton style, c'est ton droit, quand j'ai droit à ton style. C'est ce jeu de l'enfer, de face et puis de pile. C'est l'amour qui se tait quand tu ne chantes plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. À t'en vouloir connaître, on ne connaît plus rien. Ce qui me plaît chez toi, c'est ce que j'imagine à la pointe d'un geste, au secours de ma main, à ta bouche inventée, au-delà de l'indigne, dans ces rues de la nuit avec mes yeux masqués. Quand tu ne reconnais de moi qu'un certain style, quand je fais de moi-même un autre imaginé, tous ces trucs imprudents, tout cela c'est ton style. Ton style, c'est ton. Ton style, c'est ta loi, quand je m'y plie, salope. C'est ta plaie, c'est mon sang, c'est ma cendre à tes clopes. Quand la nuit a jeté ses feux et qu'elle meurt, ton style, c'est ton cœur, c'est ton cœur, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Léo Ferré cache beaucoup de style lui-même et son psaume 151 le prouve ce soir à Errance Rénaldienne. Ah ouais, cherche, Gaétan la cherche là. Psaume 151, elle connaît pas ses chiffres. OK, 151, 151, 151. OK, on y va. Ah, c'est pas... on dit 1 minute 53, puis on m'affiche 11 minutes 56. Qu'est-ce qui se passe, mon Raymond, là? On fera non. OK, OK, vous avez raison. On va laisser celle-là. La mer en vous comme un cadeau. Dans vos vagues enveloppées, tandis que de vos doigts glacés, vous m'inventez sur un seul mot. Le mot aimé, lorsque vous le caressez, vous le regardez, vous vous dites sans trop vous gêner que le verbe aimer est drôle à conjuguer. Vous l'apprêtez, vous le dégustez, vous l'apprêtez. J'ai étudié apprêter deux fois, mon petit chien. Oh, mon Dieu. Et me voilà égaré dans des sentiers peu fréquentés. Vous cherchez à m'éloigner, vous m'évadez, vous m'évadez. Et moi qui est un peu fêlé, vous me voyez ce soir gêné. Jamais, jamais. Oui, il n'y a pas de gêne en moi, là. J'ai même... Ah oui? Oh oui. Madame, vous avez l'air surprise. Ah oui? Ben oui. Madame Surprise, c'est vous. Ah oui? Madame Surprise, vous avez commencé en 1943 à être surprise, hein? Ah oui? Vous étiez surprise d'être surprise, vous. Ah oui? Mais quand vous avez un jour dans votre vie, je sais pas quand, là, on se le souhaite, là, que vous avez réalisé que vous étiez Madame Surprise, comment vous sentiez, là? Ah oui? OK. Mais en dehors de ce « ah oui », là, vous êtes marié? Ah oui? Vous avez des enfants? Ah oui? Vous écoutez Rance Renaldienne depuis le début? Ah oui? Pas depuis l'émission? Arrêtez-vous là. Pas depuis le début de l'émission, mais le début de ces émissions, c'est-à-dire il y a 250 ans. Ah oui? Madame, on vous a pris. La radio n'existe pas depuis 250 ans. Hey, on vous a eu. Êtes-vous content? Ah oui? Il n'y a pas de prix à gagner, madame. Non. Ben, quoique, moi, je suis... je pourrais me tirer. Aimeriez-vous ça que je me tire? Ah oui? Sur quel mur? Quel mur? Êtes-vous prêt à ça... à nettoyer? Ah oui? Monde, hey! J'ai un bout, j'ai un trou et demi, puis j'ai une colocataire qui fait absolument rien. Pouvez-vous venir faire le plancher? Ah oui? Avec la langue? Ah oui? De chez nous? De chez nous? Oui? Ben, c'est la langue française, madame. Alors, lorsque vous allez frotter le parquet... Non, c'est le perroquet. Le perroquet. Hey, on a un perroquet qui n'a pas de plume. Ah, c'est ça. Puis là, il se prend... J'ai pas de plume, j'ai pas... On le sait que j'ai pas de plume. Mais hey, on te regarde, là. Il y a un grand couloir, il est dans le fond du couloir. C'est pour ça qu'il y a de l'écho. Il est dans le fond du couloir, c'est insignifiant. Là, j'en ai des insignifiants dans ma vie. Moi. Il est dans le fond, il est dans sa cage. Il n'y a pas un maudit poil sur le cacaillou. On appelle ça le cacaillou. Cacaillou, on l'a déjà fait. Oui. Vous êtes devant ce perroquet-là. Pas un maudit poil. Non, normalement, ça a des plumes. Pas une maudite plume non plus. Pas de poil, pas de plume. Même pas une plume au niveau de la... Rien. Bonjour. On parlait du perroquet, puis vous êtes atterri. Bon. Hey, on vous invite plusieurs fois ici, hein? C'est pas le perroquet, c'est les estras. Quand j'appelle la pizza souvent, ben je l'appelle pas pizza. Elle vient pas pizza. Puis là, faut que j'utilise le téléphone parce que même si non, ça vient là, je te le dis. Sauf les pepperoni roulent tout seul, là, mais pas de pizza. Ça rentre par la serrure le trou de la porte. J'ai eu peur, mais non, il n'y a pas de trou de pète là-dedans. Non, le trou de la porte. Et là, tu dis la porte passera pas dans le trou de pote, dans le trou de pète, ça passera pas là-dedans. T'as appelé la pizza. Ah, c'est... quel dégât. Alors là, il y a le perroquet. OK. C'est quoi? C'est la dinde. Je fais bien la dinde. Allô? Le perroquet, dans le fond, pas une plume, cette affaire-là. On l'a acheté 1 800 $. On nous a dit que c'était un perroquet d'avoir des plumes, d'Hawaii. Là, on s'est dit, viens avec le collier hawaïen, là, comme Elvis Presley, quand il était... Hey, avez-vous vu ça quand il a été accueilli par des hawaïennes? J'aurais-tu aimé ça être Elvis Presley, oui. Hey, au début, ils embrassaient, mais le collier montait vis-à-vis de la bouche. Ils embrassaient plus les hawaïennes, ils embrassaient les colliers. Ils mangeaient les fleurs, Satan. Il s'est fait, on lui a rajouté de la vinaigrette vers le haut. Mais si Elvis mange les fleurs, putain, faut que ça ait la vinaigrette. Hein? Mettez la vinaigrette. Oh, Elvis m'a mangé de la vinaigrette, des fleurs. Oh, hey, à son spectacle, là, à Aloha from Hawaii, là, hey, il chantait pas juste Blues with Shoes. Il avait des pétales qui sortaient de la bouche. Les gens se disaient, c'est un miracle. Ben oui. On a fait pleurer Marie-Madeleine en fer forgé, non, c'était en plâtre, excuse-moi. Je mélange le fer forgé et le plâtre depuis le début de mon existence. Je mêle aussi le chaud et le froid, le haut et le bas. Le Québec et le Québec. Et moi et moi. 1 000 000 000 de Québécois et moi et moi et moi qui cherchent tous les soirs un peu de l'eau avocat. Bon, OK. Le perroquet, on l'oublie. Hein? Puis Elvis, les fleurs, on l'oublie aussi. On les oublie. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, c'est rare que dans ma tête, là, j'arrive à conjuguer. Là. Normalement, ça sort tout croche et quand je m'écoute, je dis, c'est du très mauvais français. C'est du québécisme. C'est une langue que l'on parle dans les rues lorsqu'il fait noir et très peu d'éclairage parviennent à l'intelligence du peuple qui discourt. Comme maintenant, là. Il y a un court-circuit. Cette semaine, tu cherches à faire des phrases trop longues. Tu n'es pas le Proust de la radio. Bon, OK, je ne suis pas le Proust de la radio. Allez, pousse de là, toi. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous sommes à soir, Soyez sérieux, monsieur. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots. Oui, il y a eu une petite... avez-vous senti la petite tangente? Je me souviens de Gainsbourg lorsque sa fille Serge, sa fille Charlotte, jouait du piano. Il disait à sa Charlotte, « Même si tu te trompes, continue. » Alors, je vais faire la version Serge et Charlotte. Je reprends. Je sais. Et je continuerai. Même si je m'enfarge, je tombe, je m'écume. Je n'ai qu'une vie. Non, écume. Écume vie. Je n'ai qu'une vive. Rende rechigne. Et je ne rechigne point. Je continue. Je poursuis. Je commence. Vas-y, on y va. Madame, est-ce qu'on peut continuer? Ah oui! Ah oui, on continue! Hein, vous aimez ça, vous, hein? Oh, elle est toute excitée, là. Oh, on continue. Ah oui, on y va. Votre oreille est prête? Ah oui! Bon, cette semaine, et ça, je l'aime. Je t'aimerai tous les jours de la semaine. N-N-N-N, ambigoudi. Ou en robe du soir, je t'aime chanter le suir dans ta baignoire. Are you get from the summer de Chardon? Hey, en parlant de Chardon, Éric Chardon est mort. Oh. Il y a quelques mois, c'est triste. Hey, pour triste, tu joues comme un oui. Bienvenue dans ma demeure, bienvenue à mes amis, bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvercle est toujours mis, quatre murs, tout en bois. Et au ciel, rendement des voix, ce sera pour qui veut la maison du bon Dieu. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue, c'est une chanson d'Éric Chardin. Doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet, doucet grand bonhomme de la chanson populaire. Cette semaine, et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « country ». Le country, la belle chanson country. Là, il faut faire la différence parce que ça dérange beaucoup de protagonistes dans l'univers country western. Dis-moi, bébé, est-ce que c'est du country ou du western? Quand le soleil libre, c'est du western. Johnny Cash, c'est du western ou du country? C'est du country. La différence entre le western et le country, c'est que le country, c'est du country. Et le western, c'est pas du country. Hey, oh! J'ai fait plusieurs country et j'ai eu aucun contrat. On m'a dit deux contrats à Rimouski, un contrat à Stalislas. Je savais même pas où c'était la Stalislas. J'avais mon cheval qui mangeait tout mon foin. Mais j'avais, à chaque contrat, j'avais du foin. Il mangeait mon foin. Moi, j'étais un chanteur western. Là, j'ai dit, c'est fini le western. Je vais me cataloguer dans le country. Comme ça, je donne mon foin. J'oublie mon cheval. Il n'y a pas de cheval. Hein? Mais je monte souvent sur mes grands chevaux quand on veut pas me payer. Je dis, hey, je t'ai chanté trois chansons. Tu me dois 250 piastres. Hey, il n'y avait pas de musicien. Mais ma guitare, c'est mes musiciens. Hey, il y a six cordes là-dessus. Là. Six cordes. C'est six musiciens. J'ai cinq doigts, ça fait cinq autres musiciens. J'ai une bouche, ça fait un autre musicien. On était comment? On était 12. C'est pas-tu que c'est trop cher, toi, là, mon espèce d'ami? Tu me pompes l'air, toi, là. Hey, tu t'imagines qu'on est des country et des western parce qu'on veut pas faire d'argent? On va en faire de l'argent. Hey, aux États-Unis, pas en Amérique. Non. Avez-vous des chansons western? Non, moi, là. De la francophone ou de l'anglophone? Oh, mon Dieu. Ben, de la francophone québécoise, on a Bobby Haché. On a Willie Lamotte. On a Patrick Normand. Je ne sais pas Patrick Normand. Ne laisse pas passer. Dance. dance. Tu le refais donc à l'épiane. Elle a beaucoup plus folke, beaucoup plus bluesy, machin, etc. Et qui colle 100 fois plus à l'univers de ces chansons-là. Donc j'ai récupéré ces chansons sur scène, vraiment. Elles vivent, elles existent. Ah, mais quelle rencontre! Ouais, quelle... mais moi j'ai fait que des rencontres comme ça, des trucs de folie. Mais avant même de faire un deuxième album que tu revendiques, ouais. Que tu es ouais, fier. Ouais, celui-là, j'en suis fier. Il s'est passé des choses, il s'est passé des musiciens, il s'est passé du temps. Ben, il s'est passé du temps et il s'est passé surtout plein de rencontres. Et quand tu prends le temps de faire les choses, c'est bien dommage justement parce que j'ai pris le temps de faire ce premier album et ça a été une trahison. Combien d'années entre le premier et celui-là? Le premier c'est 2008 et celui-là c'est fin 2010. Deux ans et demi, trois ans. Ouais. Mais celui-là, voilà, le premier m'a servi de me dire, c'est tout ce qu'il y a dans ce premier album, c'est tout ce dont je ne veux plus entendre parler. Je veux oublier. Je ne veux plus de musiciens qui n'ont rien à foutre, qui viennent jouer et cachetonner en studio, dans un très beau studio, où ils prennent... Qui trouvait un beau studio Eh bien, c'était un des producteurs qui était sur cet album, qui avait son studio, où s'est enregistré plein de trucs très connus, très célèbres, donc on avait... Et eux, c'est-à-dire? On veut des noms? Il s'appelle Slim Pesin. Okay. Voilà. Donc, mais quel truc de très célèbre? Par exemple, les choristes, la musique de film, les choristes. Alors c'est un beau studio. Voilà, c'était un beau studio qui n'existe plus maintenant. Non, mais en tout cas, ce fut un beau studio. Ce fut un beau studio, mais... mais c'est pour ça que quand je suis arrivée dans ce studio, je me suis dit, on s'est pas foutu de ma gueule, ça va le faire grave. J'étais très fière, j'étais vachement fière. Mais le résultat n'était pas ce que tu voulais. Mais non, parce qu'au niveau des arrangements, je te dis, c'est quelqu'un qui a... On est parti du fait que j'allais enregistrer tout guitare-voix, parce qu'il m'avait vu sur scène, il m'avait dit, tu chantes 100 fois mieux avec ta guitare dans les pognes. Et quand tu joues avec ta guitare... Ah, ça entend même pas. Donc pas de clic, pas de machin. Je dis, alors ça me va, mais alors, c'est un grand bonheur que tu me dises ça. On va faire ça comme ça. Il dit juste, tu donnes un décompte au début, et puis on habillera très très sommairement les chansons. On va faire un truc très folle, très dépouillé. Épuré, dépouillé. J'ai dit, je vais faire mon Nebraska à moi. Dans ma tête, c'était ça. Il y aura une deuxième guitare, éventuellement un violon, un machin, un truc, un harmonica. Pour moi, c'était ça. Ce premier album, il aurait dû être comme ça. Et puis je retournais, donc j'ai enregistré tout ça comme ça, guitare-voix, et je retournais au studio et j'entendais une programmation de batterie. Mais genre chic-poum, jouer sur un clavier de merde. Je dis, mais fais jouer un vrai batteur, quoi. Tu vois, c'est, à la limite, s'il faut une batterie. Moi, j'en connais plein des super batteurs. Non, j'ai pas besoin. Tu disais, d'accord. Et puis rajoute ça et ça et ça. Et ça a été l'escalade. Finalement, je me retrouve avec un album hyper arrangé. Avec un son lourd, de variété, de variétoche, quoi. Quand je dis variété, le côté kitsch. Kitsch et puis mal fait, quoi, tu vois. Je me reconnaissais pas du tout. Et j'ai laissé faire, parce que d'abord, c'était mon premier album, je savais pas trop... et puis je me suis dit, comment ça fonctionnait, je me dis, ce mec est dans le milieu depuis tellement longtemps, il sait où il va et il sait où il veut m'emmener. Sauf qu'il m'a emmené nulle part et il est allé nulle part non plus. Et l'album, il est resté quasiment dans les cartons.

de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Toi, parce que c'est le oui, voilà, exactement. Il n'y a ni de stream ni rien. J'en ai vendu quelques-uns après des concerts où les trois quarts des gens qui me voyaient sur scène me disant mais m'appelaient après ouais, ou ouais, m'envoyaient ouais, un mail ouais, en me disant ouais, on est ouais. déçu de l'album, c'est tellement mieux sur scène. Tu dis bah ouais, je sais. En deux, ça, effectivement, c'est ça, la gêne un peu. On le vend, mais en même temps, oui, parce qu'on veut faire un peu d'argent, hein, on veut faire un peu de sous, ça a voilà. coûté quand même. Mais bon, ça n'a pas été concluant quoi. Mais comme, en deux ans, tu as fait la rencontre d'un Manitobain. Alors lui pareil, je le connais depuis très très longtemps parce que j'ai rencontré Morane. Oui, bon, la Belge québécoise. Parce voilà, que la Belge elle est franco-belge ah, oui, québécoise, oui, oui, oui. Qui est devenue une amie quand j'avais 18 ans, quand je suis partie chez mes parents, c'est souvent chez elle que j'allais. Mais comment tu l'as connue? Parce qu'à l'époque elle faisait Starmania. Oui, la deuxième France. Version, deuxième voilà. version. Ouais. Et que à cette époque-là, moi j'arrivais à Paris et que j'étais tombée sur ce spectacle en disant mais qui c'est tous ces inconnus qui jouent? Moi, je veux chanter, moi, tu vois, mes 16-17 ans, ouais, ouais. Je dis, ouais, ils sont tous inconnus. De l'adolescence. Voilà, et surtout, c'est ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient déjà au moins 10 ou 15 ans de carrière. Oui, plus. Oui, Morane, Daniel Lavoie, et que, ouais. Voilà, et que du coup, et moi, du coup, mes 16-17 ans, j'en ai rien à foutre, je suis allé voir le spectacle, et à la fin, je me dis, mais ils sont tous inconnus, là, c'est des clampins comme moi, là, qui sont sur scène. Des voilà, c'est ça. Je dis, ils sont pas bien vieux non plus. Et je suis allée à la sortie du spectacle. Et la première qui est sortie, c'est Morane. Je te l'ai attrapée. Je lui dis, écoute, voilà, moi, je suis chanteuse. Ah bon, mais tu t'appelles comment ouais. je m'appelle Sophie. Voilà. Et puis moi, je veux chanter. Ok, c'est comme ça que ton nom est arrivé rapidement. Ouais. C'est entre Morane et toi, Sophie était. Ouais, ouais, ouais. Toute la bande comme ça, c'est parti comme ça. Et puis et du coup. Elle me dit, oh bah écoute, je vais boire un coup avec des copains, viens boire un coup, là on est dans le troquet du coin. Et puis à la fin de la soirée, elle me dit, bah écoute, si tu veux revenir demain, je te fais rentrer, mais derrière, comme ça tu verras comment ça se passe, un spectacle. Et puis je suis devenue un peu la mascotte de cet endroit, okay. C'est-à-dire à un coup j'allais avec l'éclairagiste poursuite, okay. Après j'étais au son, okay. Après j'étais au catering, après j'étais... Ouais, je comprends très bien, c'est bon. Donc voilà, j'ai hanté les couloirs de Starmania pendant quelques semaines, où j'ai appris plein de trucs, où j'ai fait plein de contacts, puis après j'étais pas trop con, sûrement, les musiciens et machin, ils disaient, bah viens boire un coup avec nous, tiens on va faire un jam à tel endroit, tiens on va faire ci, on va faire ça, c'était les premières rencontres, ça, comme ça. Et puis, et Daniel Lavoie était un ami de Morane. De Morane, donc, très grand ami. Ouais. C'est comme ça, où Morane, sachant que j'avais pas de maison, pas d'appartement, j'allais squatter à droite à gauche, m'a dit un jour, ah, même j'ai un appartement à Paris, quand j'y suis pas, prends les clés, habite-y. Grand cœur, hein. Grand cœur, oui. Et on a habité comme ça, on a cohabité pendant 5 ans ensemble. Voilà. Donc, à l'époque, elle n'avait pas de copain, elle le disait, elle le disait sur scène. Donc, c'était, oui, oui. C'était exactement ça, et on a cohabité ensemble. C'était, alors elle avait un appartement à Bruxelles, et ouais, puis ben quand oui, elle venait ben en promo ben à Paris, elle était dans cet appartement. Puis elle avait les un petit truc même à Québec, un petit truc à Québec. Et elle avait comme ça les trois endroits. Et quand elle venait sur Paris, elle m'appelait, elle me disait, bon ben voilà, j'arrive, genre demain. Alors fait le ménage. Donc généralement je dégageais. Parce okay. que voilà, je lui laissais la place et tout ça. Et puis au bout d'un jour, elle me dit, oh, de toute façon tu me gênes pas, tu peux rester. Est-ce que désormais tu me détestes? D'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue, Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque,

Alors, t'étais la coloc de Morin. Voilà, après, je suis devenue la coloc. C'est-à-dire qu'après, au bout d'un moment, j'ai commencé à bosser, à faire des petites jams à droite, à gauche, et puis à rentrer un petit peu de sous quand même. C'était pas le tout d'être vouloir être chanteuse, mais il fallait à un moment donné que je chante et que je gagne un peu ma vie avec. Et quand ça a été ça, je lui ai dit, on a convenu ensemble, je suis devenue la colocatrice avec un Québécois qui s'appelait, enfin, qui s'appelle toujours, je crois qu'il est toujours un pote, qui s'appelle Daniel Lafrance. Voilà. Et qui était éditeur, qui est toujours éditeur canadien, québécois, etc. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, on était les trois colocataires de cet appartement parisien. Alors moi, j'étais l'unique résidente à l'année. Officielle. Ouais, et lui venait. Et lui venait pour toutes les conventions de disques, les machins, etc. qu'il avait, le Ludem, tout ça. Il en avait ras-le-bol des hôtels parce qu'il venait assez régulièrement, tous les trimestres, il débarquait pendant 3 semaines, 1 mois quasiment. Donc pour lui c'était pratique, il était chez lui, sa chambre, son machin, etc. C'est très impersonnel un hôtel. Et puis voilà, et puis pour Morin c'est pareil, elle était là beaucoup plus souvent, mais du coup on a fait des soirées mémorables. Et viré, oui, parce que. Et Daniel Lavoie est arrivé comme ça. Daniel, oui, voilà. Parce qu'il venait quand il était à Paris, il appelait Morin, t'es là, t'es pas là, bah oui, je suis là, viens manger à la maison, donc on faisait une pizza, un sushi, n'importe quoi. Et quand il a été question de cet album, moi je me souviens. Ça c'est que un an et demi. Ouais, voilà, il y a, on va dire 2 ans parce qu'il a fallu le temps qu'il 24 écoute, mois. Voilà, c'est ça. Okay. De gestation. D'accord, oui. je me suis dit, je me souvenais très bien de Daniel à l'époque où il venait justement à l'appartement à Paris où il était en pleine période lui de ses albums américains. Oui. Voilà. Et j'adorais ce qu'il faisait. Il y avait un petit côté Gino Vanelli, machin, etc. De ce qu'il faisait. Et je me suis souvenu de ça et je me suis dit, alors lui le plus francophone et francophile, etc. De reconnu pour ça, en plus, pour son talent d'auteur. Il s'aime, qui est la chanson. Voilà, exactement. Tu vois, tu dis, alors, ça va être très amusant de lui demander d'écrire des textes en anglais, rien que pour faire grincer les dents un peu tout le monde. Ouais, surtout Québec, ouais. Voilà, ouais. Et du coup, je lui ai envoyé un petit mail en disant, Daniel, voilà, souviens-toi de ton époque américaine, c'est mon tour. C'est à moi maintenant. Donc, je prépare un album, etc. J'ai quelques mélodies. Éventuellement tu écouterais et est-ce que si ça te plaît tu ferais quelque chose. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de machin, c'est une petite, toute petite production. Ne t'attends pas à faire des milliards et des millions avec moi, pas le sujet. Je navigue dans un milieu un peu underground en France, le folk, le rock, le blues en ricain et tout ça, c'est plutôt difficile, j'y donc t'attends pas à faire des millions, tu vois, à faire disque de platine. Je ne suis pas Céline Dion encore. Voilà. Donc, et Dieu merci. Et Dieu merci, oui. Parce que René Angelil n'est pas là. Non, j'en ai pas des comme ça. Non, ok. Heureusement. Oui. Hey, faded time. Malheureusement, c'est la fin de cette émission Errance Renadienne de ce beau vendredi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine en pleine forme, comme d'habitude. Alors, merci de m'avoir écouté et si vos nerfs ont flanché, la semaine prochaine, ça risque d'être à peu près la même chose. OK, gardez le sourire et suivez amplement et paupermanement. Hein? Et amplement paupermanement, non, c'est invitam paupermanement, invitam paupermanement. Here's to the beginning, here's to the end of all those good times. Isn't life funny, my baby? Yeah, let's go on living when it's all you can do. Write it off quickly. Isn't life funny, my baby? All of my love wasn't enough. No, no, no, no. All of my love wasn't enough. Petit mail en disant écoute, je fais pas de la musique pour faire du pognon, si ça me plaît envoie tes mélodies et si ça me plaît j'écris, voilà, c'est la seule condition. Et ça lui et a je plu, lui ai envoyé, hein. Voilà, j'ai envoyé deux mélodies et puis bah, presque le surlendemain j'avais déjà un premier jet d'un des titres qui était quasiment fini. C'est lequel? Bye Bye. Ok, voilà. Et la troisième. Et donc du coup, et puis il a bloqué un petit peu plus sur le deuxième. Il trouvait pas le thème. The Call of Freedom. Non, alors c'est le deuxième titre, c'est Holiday in No Man's Land. Ok. Et il me disait j'aime bien la mélodie, mais il dit j'ai écrit des trucs, mais je suis pas content de moi. Est-ce que t'as pas une idée? Je lui dis, bah, tu sais, j'avais commencé à écrire un petit truc dessus. Je voulais un truc qui voudrait dire je suis en vacances de toi. Je suis comme dans un no man's land, ouais, tu vois, machin et tout ça. Je peux rencontrer des mecs, mais voilà, j'ai envie de me mettre en vacances de toi. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est difficile. Mais tu es libertaire. Je suis un petit peu dans un côté no man's land, à me chercher, à pas trop savoir dans quel territoire je me trouve. Vive des expériences. Et du coup, il a sorti le Holiday No Man's Land. Excellent. Donc voilà. Il avait bien compris ton message. Voilà, exactement. J'ai reçu le texte. Il m'a mis un premier couplet et le refrain. En me disant, avec le petit mot qui suivait, en disant, d'après tes idées, si ça te plaît, je continue. Et j'ai lu le truc, j'ai dit, ah, vas-y, termine. Et c'est un timide, hein. Un timide. Ouais. Et ouais, il est d'une gentillesse. Ah, franchement. Et je lui ai fait suivre toutes les... Les étapes. Les étapes, c'est-à-dire il a écouté les premiers guitares-voix avec le chalala simplement, un texte. Et puis après, justement, la première petite maquette, toujours guitare-voix à la maison avec 2-3 chœurs, avec etc., arranger un harmonica, ainsi, un ça. Et puis après, toutes les phases d'arrangement, en disant voilà, c'est en train de devenir ça, tiens, écoute, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que... Et puis jusqu'au mix, jusqu'au mastering, jusqu'à lui envoyer, tout ça. Et je crois qu'il n'était pas mécontent du résultat. Il était même surpris des arrangements en disant, dis donc, j'aurais jamais cru que notre petite chansonnette allait prendre une tournure comme ça. Quoi. Donc c'est flatteur parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et d'amitié aussi. C'est un sacré chanteur. Ouais, quelle ouais, voix, ouais, nom ouais, de ouais. Dieu de merde qu'il a. Ouais, c'est, ouais, c'est un sacrément bon chanteur. C'est et vrai. Puis c'est un merveilleux mélodiste aussi, je trouve. Et avec cet album-là, est-ce que tu te prépares une tournée? Est-ce que tu es déjà dans la conception de ce genre de... Alors moi, je suis toujours sur scène, en gros. C'est okay. ce qui me fait manger. Ok. Je suis quelqu'un... Et pas juste à Paris, partout? Partout. Là, je fais des, je jouais la semaine dernière, je t'avais dit... Oui, malheureusement. Il passe donc, il m'a dit j'arrive le lendemain. Ben oui, c'est ça, il y a un petit problème. Il y a un problème. Oui, un léger problème. Il va y avoir problème. Oui. Mais donc voilà, on était sur Paris... Et puis, justement, pour pouvoir jouer un petit peu partout et m'adapter, j'ai décliné les différentes formules. Alors, bon, j'ai le solo, évidemment, puisque je suis guitariste. Décliner des formules, ouais. Ouais, bah, c'est-à-dire que je joue en solo, mais ça de moins en moins, parce que je trouve que ça perd quand même en qualité, que toute seule, c'est bien pour faire une première partie, un truc comme ça. Pour ton album, c'est mieux quand il y a au moins 4 tout le monde, ouais. Quand on est tous les 4. 4 musiciens, 4. Ouais, on est 4. Ouais. Can you tell me if you give a damn what my body, what my heart has to say? All I really wanna know, where do you stay?